Donc, Alia. L'alliance. Bon, mais veux-tu répéter? Dire, il y avait deux sortes d'alliances, là. Bon, on a l'alliance. L'alliance dans laquelle vient s'exprimer l'amitié dans l'intelligence. On a l'alliance dans laquelle peut venir s'exprimer le mental dans l'intelligence. L'alliance qui permet l'expression du mental dans l'intelligence, c'est l'alliance que la majorité des êtres transitifs vont rechercher à un moment donné. C'est une alliance qui ne semble pas être sujette à l'amitié, donc qui semble être libre des contraintes de l'amitié planétaire. Il y a certaines personnes qui vont refuser l'alliance dans l'amitié et vont rechercher l'alliance dans le mental parce que cela va sécuriser chez eux des parties d'ego qui ont peur que dans l'amitié, ils se retrouvent encore une fois esclaves. Il y a donc deux alliances qui devront être créées. L'alliance dans l'amitié va se créer entre certaines mécaniques planétaires, donc entre certains humains au départ, l'alliance dans l'amitié. Et la nuance entre l'amitié traditionnelle et l'alliance dans l'amitié, c'est que quand tu es ami, à un moment donné ou à un autre, il y a une espèce de force qui te donne l'impression que tu peux manipuler l'autre. Ouais. L'alliance dans l'amitié, jamais ça ne se fait. Sauf que l'alliance dans le mental, il ne peut pas y avoir d'alimentation énergiopathique complète. Donc, l'alliance dans le mental ne permet pas, par exemple, de nourrir le corps astral. Ça ne permet pas de nourrir le corps vital ou presque pas. L'alliance dans l'amitié va permettre la nourriture du corps astral en même temps que de tous les autres corps. L'alliance dans l'amitié va te permettre, par exemple, d'être bien sur tous tes plans avec un individu avec lequel tu es ami. C'est une alliance dans l'amitié ou une amitié alliée. L'alliance dans le mental, tu pourras travailler avec un individu d'une façon très convenable, très correcte, mais tu ne pourras pas être aussi bien avec cet individu-là qu'avec une autre personne. Autrement dit, l'alliance dans l'amitié ne te fera pas, tu ne t'ennuieras pas de quelqu'un, mais tu pourras à un moment donné être ravi de sa présence. L'alliance dans le mental, tu ne t'ennuieras pas de lui et tu ne seras pas ravi de sa présence. Tu vas trouver correct sa présence quand ça sera utile que sa présence soit là. Pas sous l'idée. Ça veut dire un exemple, une nuance extrêmement subtile qui fait que la majorité des êtres qui ne sont pas du bon sexe du point de vue de l'intelligence, cette subtilité-là, elle fait en sorte que ces êtres-là ne pourront pas le comprendre. Pour la majorité des humains de la planète, c'est une alliance dans le mental qu'ils vont aller chercher, alors que pour quelques rares êtres humains, ils pourront aller chercher de développer une alliance dans l'amitié, parce qu'eux auront une intelligence qui aura du cœur, alors que la majorité des autres se contenteront d'une intelligence, d'un mental intelligent ou encore d'une intelligence sans le cœur. Parce que l'amitié dans le mental, autre chose qui me vient en tête, c'est... un exemple, par exemple, de relation d'affaires. Ça, c'est une alliance dans le mental. Mais une nouvelle, par exemple. Oui, absolument. Mais où tu vas être bien avec l'autre de faire des affaires. Oui. Mais si tu t'en vas chez toi le soir, tu veux te relaxer, l'alliance dans l'amitié, l'individu vient cogner chez toi, tu vas être heureux qu'il arrive. L'alliance dans le mental, ça ne te dérangera pas qu'il arrive. Bon. Tu ne l'appelleras pas pour qu'il vienne. Pas si tu veux relaxer. À propos de rien. Mais là. L'autre non plus, tu ne l'appelleras pas. Tu t'ennuies pas. Quand tu perds l'alliance dans l'amitié et tu commences à être un ami, là, tu vas l'appeler. Puis là, s'il ne veut pas y aller, tu vas essayer un petit peu de le motiver pour qu'il vienne. Peut-être. Ça, c'est de l'amitié. C'est pas intelligent. C'est pas de l'alliance dans l'amitié, c'est de l'amitié planétaire. Elle n'est pas pernicieuse parce que, bon, elle peut se régir. Mais l'alliance dans l'amitié va faire en sorte que tu n'appelleras personne. Mais que si quelqu'un, tu peux appeler dans le but de synergiser, donc de t'alimenter. Mais si l'autre n'est pas disponible ou ne veut pas, il n'y a aucun effort dans l'alliance, dans l'amitié qui va être fait pour manipuler, pour contraindre l'autre à venir. Pour pousser l'autre au compromis avec ce qu'il voulait vivre. Alors que l'alliance dans le mental, tu n'appelleras pas personne et puis tu es en train de relaxer, tout va bien, bien, bien, bien, bien. Le téléphone sonne, disons ça sonne à la porte et puis là, ta femme va répondre et puis c'est quelqu'un qui fait partie de l'alliance dans le mental. Ben là, il passe par là, puis là, il veut savoir, ça te dérangera pas. Disons, ça te dérangera pas nécessairement. Si c'est l'alliance dans l'amitié, ça va t'arranger. Alors que ça te dérange pas du tout que l'autre, que lui ou elle ne soit pas là. Mais ça va t'arranger sa présence. La nuance, elle est là. Dans laquelle ça va t'arranger? L'alliance dans l'amitié, ça va t'arranger qu'il vienne, mais ça t'aura pas dérangé qu'il vienne pas. L'alliance dans le mental, normalement, ça ne t'arrangera pas qu'il soit là, puis c'est rare que ça va te déranger qu'il soit là. C'est subtil, monsieur. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas être régie par l'émotivité. Tu ne peux pas dire, ben oui, mais moi, c'est l'alliance dans l'amitié que je veux. Ça n'a rien à voir. L'alliance dans l'amitié existe uniquement entre des êtres qui sont désinhibés. S'ils ne sont pas désinhibés, c'est de l'amitié ou de l'alliance dans le mental. Alors, c'est pour ça que c'est assez compliqué pour la majorité des personnes à vivre les nuances, à les vivre. Parce que il y a du travail à faire pour arriver à que ce soit correct, là, parce que... Ben, tu peux pas vivre l'alliance dans l'amitié avec une personne qui n'est pas désinhibée, puis il faut que pour être désinhibée, il faut qu'elle le soit, il faut que ce soit. Les alliances qui vont être créées entre les mécaniques extraterrestres, ce sera des alliances, même avec les extraterrestres, il y aura des alliances entre les humains qui se conscientisent. Ce sera des alliances dans le mental. Donc, ce sera une alliance qui fera en sorte que parce qu'on a des objectifs qui, du point de vue de la finalité, sont les mêmes, on va s'arranger, un, pour ne pas se nuire, et deux, pour s'aider. Il y a des alliances qui vont se faire, ça va bien. Il y a des alliances qui vont se faire uniquement pour ne pas qu'on se nuise. Alors, venez pas sur notre terrain, on n'ira pas sur le vôtre. Lui-même fait ça dans les pactes de non-agression. Il y a donc des alliances dans le mental qui vont se faire comme ça, puis des alliances dans le mental qui vont se faire dans le sens qu'on peut mettre nos travaux en commun, nos efforts en commun. Mais l'humain va devoir rencontrer des extraterrestres dans les années à venir, puis l'humain va devoir s'arranger pour créer des alliances. Puis quand je parle de l'humain, je ne parle pas nécessairement de tout le monde, là. Mais s'il y en a un qui a des alliances, ben c'est intéressant qu'il y ait du monde qui soit avec lui. Comme ça, il y a un paquet de personnes qui ont maintenant une alliance. Un peu comme quand le premier ministre signe une alliance avec... le président d'un autre pays, c'est pas nécessaire que tout le peuple aille signer une alliance avec tout le peuple de l'autre pays. Comment ça, je veux dire? Oui. Bon. Fait que c'est pas nécessaire que tout le monde ait des alliances. Mais c'est nécessaire, par contre, que les humains aient des alliances entre eux pour qu'un représentant puisse avoir des alliances avec un autre. S'entendre avant de partir. Ça. Alors ça, c'était ça pour les alliances. C'est autre chose? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Les alliances que le monde porte. Ok, des alliances comme ça, mais... Tu n'as pas d'alliance, toi? Non. Bon, j'en ai une, oui, mais dans le bureau. Et où? Dans le tiroir. C'est pas les gars, sa fille, personne ne voit son gars. Il y a un autre point extrêmement important qu'il faut que je vous dise. Bon, le mois prochain, on va probablement changer un peu la façon dont on fait les conférences du mois. Tu vas faire à partir de chez vous? Non. Je vais faire à partir d'ici. La formule va être différente. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que... Il va falloir que plusieurs parmi vous puissiez commencer à vous entraîner à gérer votre énergie. Et je vais m'arranger pour que vous puissiez avoir accès à cette gérance de l'énergie à chacune des conférences. J'ai eu des rencontres, j'ai rencontré des personnages qui viennent de mon monde. Je me rappelle très bien d'où je viens, où je reste. J'y vais de temps en temps. Et ça m'amène à être de plus en plus capable d'exprimer ce que je suis. Et ça m'amène surtout à devoir appliquer de plus en plus les mécaniques qui vont nous permettre, les humains, de contrôler le monde astral. Il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique. Mais il y a une petite frontière. C'est pas long de traverser de l'un à l'autre. On doit absolument passer à la pratique, et pour passer convenablement à la pratique, il faut absolument que je brasse des choses. Alors nécessairement, je vous informe que la prochaine conférence, il y aura effectivement une mécanique que je vais appliquer, qui va permettre, et vous allez vous en rendre compte de toute façon, c'est pas une affaire, elle va être extrêmement mystérieuse, je vous mets pas au courant de tous les points pour pas que vous ayez un mot pour vous préparer. Mais on va changer la formule. Je donne une conférence par mois au public régulier. Il n'y a pas de période de questions. C'est maintenant 2 heures de conférence. Les conférences que je vais donner au public régulier sont des conférences qui sont atténuées. En ce sens qu'il y a des endroits sur lesquels je n'irai pas pour l'instant. Mais la majorité des endroits où je vais aller lors de ces conférences-là sont des endroits qui sont d'un intérêt évident pour tout le monde. L'année 92, je vais m'en servir surtout pour parler de la conscience. Cela veut dire amener suffisamment d'informations pour obliger les expansions de conscience. Donc, les facilités. Alors, je vous informe que ça, c'est intéressant que même les séminaristes assistent ou du moins bénéficient de la conférence. Par le biais de l'enregistrement, par exemple, ou quelque chose comme ça. Pendant des années, j'ai toujours été atterri ou ralenti par l'idée que je devrais, si je dis à des gens, c'est bon pour vous, je devrais normalement leur donner. Mais quand on donne à quelqu'un, ça ne vaut rien. Et même l'individu qui dit que pour lui, ça va valoir, ça ne vaut jamais rien. Ça ne vaut jamais la valeur de ce que ça vaut. Alors, il doit nécessairement y avoir une mécanique d'échange d'énergie. Mais chaque fois que je veux dire à quelqu'un que c'est ça qu'il doit faire, avant du moins, j'étais limité par l'échange d'énergie. Si l'individu doit donner, je le laisse donc libre de s'informer et de venir. La problématique, c'est un peu comme si vous inventiez un médicament pour le sida. Parce que vous devez le vendre, de façon à ce que les individus puissent placer une partie de leur mental dans l'énergie de l'argent pour acheter le médicament, pour aider le médicament à garder son effet ou à améliorer son effet, parce que l'individu doit acheter le médicament, ben vous n'osez pas le suggérer. C'est simple. Vous n'êtes pas vendeur, les gens meurent du sida. Alors, à un moment donné, il faut qu'on cesse, évidemment, de se limiter comme ça. Alors, je vous dis simplement, les conférences, vous venez ou vous ne venez pas. Ce que je dis simplement, c'est que le matériel que je passe lors des conférences régulières, une fois par mois, s'adresse à tous les individus sur la planète qui se conscientisent. Puis, lors des conférences réservées aux séminaristes, on va travailler sur des créneaux qu'on ne va pas voir lors des conférences régulières. Je vais répondre à vos questions, ce que je ne fais pas lors des conférences régulières. Et dépendamment des mois, dépendamment des endroits où je vais me trouver au niveau énergétique, eh bien, il y aura un peu plus d'exercices pratiques à travers les conférences du mois. Donc, les deux conférences seront différentes. Les deux conférences sont extrêmement intéressantes du point de vue énergétique et du point de vue d'information. 92, c'est la conscience. Et là, ce n'est pas une demi-heure de publicité que je vous fais. C'est l'information, mais de l'instruction que je vous donne. Ce n'est pas à un moment donné parce qu'on nourrit le peuple avec des pommes de terre que la pomme de terre n'est pas utile au génie. Bon, c'est ça que je veux dire. Alors, on nourrit le peuple avec le blé, puis à un moment donné, vous commencez à être génial, etc. Puis là, vous ne mangez plus de blé. C'est pour le peuple. Ben, c'est toujours bon, le blé. C'est sûr qu'on peut l'avoir plus raffiné. C'est plus pareil. Quand je parle plus raffiné, plus intelligemment orchestré, avec moins de roches dedans. Prochaine conférence, c'est l'état de la conscience. L'état chez l'homme, l'état dans la planète, l'état de la conscience au niveau des structures planétaires. Les perfecteurs de conscience. Je suis un perfecteur de conscience. Il y a d'autres conférences où on va parler de la conscience avant la mort, de la conscience après la mort, avant la naissance. On va parler de la conscience pendant quelques mois. C'est la sphère qui permet à l'humain de... Quand on parle de la conscience, on parle toujours du double éthérique. Et moi, ce que j'aimerais à un moment donné, c'est que vous puissiez être capable d'adapter les ondes sonores au manque énergétique qui vous anime. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on doit être capable de synonymiser les choses. Si je parle d'ajusteur de pensée, à un moment donné, je parle dans un autre langage de la même chose. Vous devriez être capable de comprendre ce que je dis. Un troisième cerveau, c'est un double éthérique. On l'a déjà dit. Un jour, je parle pendant 1 heure de temps du troisième cerveau. Enfin, mais j'ai parlé pendant 1 heure de temps du double éthérique. Donc, ça fait 2 heures de conférence. J'ai parlé pendant une heure de temps des mécaniques séraphiques. 3 heures de conférence en une heure. Mais il y a seulement les individus qui sont suffisamment ouverts à la conscience, qui vont être capables de bénéficier de 2, 3, 4 heures de conférence dans une heure de conférence. Et ça, vous devez comprendre le principe. Parce qu'à un moment donné, il y a de l'information que je pourrais donner à la télévision. Je vais à la télévision, on me pose une question. Je réponds, je donne de l'information. Là, il y a des personnes qui disent, tabarnouche, tu as vu, en 5 minutes, là, il vient de leur donner tout ce qu'on a su d'un an. Mais non, en 5 minutes, là, je leur ai donné 5 minutes d'information. Même pas. En 5 minutes, je leur ai donné 1 seconde d'information. C'est ce que je peux comprendre. Vous, parce que vous êtes équipé différemment, en 5 minutes, subitement, vous bénéficiez de plusieurs heures. Et parce que l'humain est égo, ben l'humain s'imagine automatiquement que tout le monde a compris la même chose que lui. C'est le collectif. Dans une conférence régulière, dis-moi, il y a des individus qui bénéficient beaucoup plus que d'autres. Dans une conférence régulière donnée au public, il y a énormément d'informations qui passent. Mais la problématique, les individus qui se présentent, et là je vous explique ceci dans vos vies, les individus qui se présentent aux conférences régulières se présentent non pas en séminariste, ils se présentent en personne qui arrive à une conférence du vendredi. Et les individus qui se présentent aux conférences du mois se présentent aussi rarement en séminariste, un peu plus. Le bagage que vous avez, vous l'avez. Le savoir que vous avez, vous l'avez. L'intelligence que vous avez, vous l'avez. Ça sert et ça doit servir encore plus. C'est exactement comme je connais mon corps, je me sens vivant dedans. Je bois de l'eau, ben je dois boire de l'eau comme quelqu'un qui sent son corps. Parce que si je fais une démarche flottante, comme une personne qui sent son corps, là le téléphone sonne, je pars en courant comme une personne qui répond au téléphone. Pas comme une personne qui sent son corps. Là je réponds, puis là je parle, je raccroche. Après ça je remonte, je m'en vais juste dans ma pièce, puis là je retombe dans une personne qui sent son corps. C'est le maximum que l'humain vit. Perd du temps. Le temps c'est de la vie, c'est plein de choses, là. C'est pas du temps, là. C'est bien plus que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous assistez, vous regardez un film. C'est vous qui devez regarder le film. L'individu qui est rendu à l'étape où il est rendu, le séminariste ou l'être transitif, c'est lui, c'est elle qui regarde le film. Pas un corps humain habité par un égo qu'un homme qui est là, qui regarde le film. Je trouve ça intéressant. Si vous venez aux conférences régulières, c'est vous qui devez venir. Vous allez voir qu'en 2 heures, vous allez ramasser pas mal plus que le public, c'est normal. Si vous venez pas en public. Les conférences du mois, c'est la même chose. Si on vient uniquement pour se brosser les énergies, on se brosse les énergies. Si on vient exactement comme si on sait très bien qu'on sait des choses qu'on perd tout le temps du mois et qu'on n'applique pas. Là, on vient à une conférence dans le but de partir avec une motricité énergétique qui va s'adresser à l'ego. Un autodisciplinaire. On repart un peu comme si à chaque conférence du mois, c'était le premier de l'année. Mais c'est ça, ramasser l'écœurement dans le but de canaliser ça vers l'explosion, vers l'ère nouvelle. Ça veut dire qu'on revient à un moment donné pour se brosser les énergies. On apprend des nouvelles choses. Mais de temps en temps, on revoit des vieilles choses. On doit manger convenablement. Pas juste dans ce qu'on ingère, ajusté au corps physique, mais dans la façon dont on est anatomiquement placé pour manger. Dans la façon dont on est vitalement, astralement et mentalement placé pour manger. On se le fait répéter. Quand on sort de la conférence, on ne s'en va pas manger de la cochonnerie, on ne s'en va pas de vitesse, on ne s'en va pas se stresser là-bas. Conservez ce que vous êtes 5 minutes après la conférence, puis la fois d'après 7 minutes, puis la fois d'après 10 minutes. Depuis le temps que vous en faites, c'est horrible, ça avancerait. N'importe quoi que vous allez faire, il faut absolument, absolument que l'humain élitique. Là, regardez-vous pas dans le miroir pour savoir si vous êtes élitique. Vous êtes déçu. C'est pas élitique par le visage, par la face, par le corps physique. Par la conscience, on l'est. On doit être ce que nous sommes. Vous devez absolument terrestrifier ce que vous êtes. Que ça vienne de l'intelligence, de l'instantané ou du futur. Régulièrement. Les rechutes, on s'en fout. Vous ne les avez pas faites. On s'en balance. Si tu réussis à être là de nouveau pendant une demi-heure, après une demi-heure, là, ça n'a jamais existé ce que tu étais, hein? Si t'es le con pendant une demi-heure, après une demi-heure, ça n'a jamais existé non plus. Voilà. Valorisez-vous pas d'avoir été correct. Puis haïssez-vous pas d'avoir été pas correct. Maintenant, si tu vis convenablement pendant une demi-heure, pendant un an, mais cette année-là, elle n'a jamais existé. Mais l'instantané qui reste après un an, il est toujours bon. Alors que si vous vivez pendant un an comme des animaux humains, après un an, cette année-là, elle n'a pas plus existé. Karmisez-vous la pas en pleine face. Faites-en pas un karma. Médiocrisez-vous pas. Sauf que l'instantané qui reste après l'année où vous n'avez rien fait d'intelligent, ou pas suffisamment, c'est pas le fun. Alors moi, quand je dis qu'on doit commencer, c'est pas une question de cumuler du temps. Mais quand vous êtes en santé, là, les 20 années de santé que vous avez eues, elles ne sont pas là. Mais le moment présent est agréable. On a dit, vous faites des affaires tout croche. Ah ben, les 20 années de souffrance ne sont pas là. Mais le moment présent, il est souffrant. L'instantanéité. On doit commencer. Continuer. Mais on doit absolument appliquer ce que nous sommes. Vous devez être ce que vous êtes. Malgré n'importe quoi. Quand il pleut dehors, vous vous faites mouiller. Voulez-vous être mouillé? Non. C'est intelligent d'être mouillé? Non. C'est drôle, hein? Vous vous faites mouiller quand même. Mais vous ne vous culpabilisez pas, hein? Mais quand vous mangez la cochonnerie, c'est intelligent de manger? Non. Voulez-vous manger? Non. Vous le faites quand même? C'est comme la pluie. Culpabilisez-vous pas non plus. C'est la même mécanique. Plus par en dedans, au lieu de pleuvoir dehors, mais c'est la même mécanique. C'est pas nous autres. Pas moi qui veux qu'il pleuve, pas moi. J'ai pas la puissance de l'arrêter, ok. Je suis pas coupable pour autant. Vous restez-vous sous la pluie, de temps en temps. Restez-vous tout court. On perd, on manque des morceaux, ça, je le sais. Le corps physique draine par en bas, les mécaniques astrales drainent de tous les côtés. C'est correct. Vous prenez votre douche d'une façon PMC. Et quand je dis le mot PMC, c'est pour qu'on se comprenne. Est-ce que c'est un PM sauté? Prenez votre douche de façon PMC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas chialer après l'eau froide ou l'eau chaude qui m'enlève sa bouche. Vous ne pouvez pas chialer après le savon qui tombe à terre. Vous vous penchez, vous le ramassez. Ça, il fait froid un petit peu. Vous tossez. Vous arrangez les robinets. Puis l'autre, il tire encore la chaîne après. Quand vous recommencez. On chiale après personne. Vous vivez les choses. Un être nouveau. On est transitif, ça ne change rien, on a des bouts de nouveau. L'être nouveau connaît le contrat. Vous connaissez le contrat? C'est quoi le contrat? Facile. Vous savez comment c'est sur la planète Terre. Vous savez que de temps en temps, quand vous prenez votre tasse de café, vous vous brûlez. Chialez pas. Un liquide chaud peut brûler, on le sait. C'est réglé. Alors faites ou ne faites pas. Buvez ou ne buvez pas. T'es brûlé. Fini là. Vous attendez quelqu'un qui est toujours en retard, chialez pas après. Vous connaissez le contrat, il est toujours en retard. Attendez ou n'attendez pas. Éduquez-le pas. Je ne peux pas avec votre verbe. Sacrez votre camp. Quand il voudra être avec vous autres, il s'arrangera. Chacun sa vie. On le sait. Prenez votre douche, vous vous organisez pour vous masser des points d'acupuncture. Vous vous organisez pour vous frotter convenablement, ramener l'énergie. Vous achetez une grosse broche à plancher, vous en servez. Ouais, ça brasse l'énergie. Prenez votre temps pour relaxer. C'est du bain PMC, c'est une douche PMC. C'est banal, hein? C'est ça la vie. On a toujours le temps. Êtes-vous assis le mieux possible sur votre chaise, d'une façon écologique? Plusieurs ont appris que les pieds croisés, l'énergie ne circule pas. Que les mains croisées, l'énergie ne circule pas. Et ça ne rend pas compte, je le sais qu'on ne s'en rend pas compte. On le sait. La question, c'est que quand on s'en rend compte, bien, on décroise. Puis on relaxe. On se recroise. C'est pas grave. C'est pas vous. Contrôlez. Prenez le corps et bougez-le. Oui, mais après ça, on s'en fout. On fallait en avoir un. Ça commence. On a le pied. Il manque le papier. Tableau. Vous avez ça de pleine mémoire. Ça impose de mémoire. Cette mémoire-là, elle vous dit croisez vos jambes. Ça va vous sécuriser. Bon. Là, à un moment donné, vous apprenez en conférence, en croisant les jambes, on barre la circulation de l'énergie. Donc, on se rend malade. Allons, ça prend 300-400 ans. Alors, le mourir de d'autres maladies avant. OK, quand même, je te donne une idée. Ça rend malade quand même. Bon. Mais là, on l'a appris, on a 500 feuilles ici de mémoire, 500 strates, 500 feuilles de mémoire qui dit, croise tes jambes, ça va te sortir sérieux. Là, ben, une feuille d'information sur l'eau. Décroise tes jambes, ça va vous laisser passer l'énergie. Attendez-vous pas à ce que la mécanique réflexe s'installe. De là, encore croisez vos jambes, c'est 500 contre 1. Là, vous le dites, là, vous en jasez avec quelqu'un. Et c'est vrai, quand on croise nos jambes, deux feuilles. Là, vous en parlez pendant une demi-heure, 15 feuilles. 500 contre 15. Et là, encore croisez vos jambes. Là, en conférence, on le répète. 516, 517. Ce que je veux vous compreniez, c'est que vous vous devez de répéter. Parce que vous vous adressez à l'astral. Et pour que l'astral comprenne, il doit être contre-programmé. On appelle ça reprogrammé. Alors, quand vous allez avoir répété puis jasé avec les gens suffisamment de la mécanique des biens, bien, quand vous êtes rendu là à 250, contre 500. Puis à un moment donné, là, dans 500, ça meurt, ça, là-dedans, là. Parce que plus vous allez énergiser le fait que vous vous décroisez les jambes, puis je prends ça comme exemple, là. Ça peut être manger croche, fumer, ne pas relaxer, etc., là. Plus vous allez reprogrammer qu'il faut faire l'intelligence, plus la mémoire des 500 feuilles de conneries meurt. Puis à un moment donné, vous allez être à 250 contre 250. Puis à un moment donné, 251 de correct contre 249 de pas correct. Puis là, vous avez pu à programmer, c'est réglé. Parce que là, il y a plus d'auto-énergisation dans le bon que dans le mauvais. Puis ça va se finir tout seul. Autrement dit, c'est mon ego qui m'a fait faire ça. Mais dites-le. Vous devez reprogrammer les structures astrales pour qu'elles puissent finir par être supportées dans une foi psychologique. Par rapport à ce que vous savez au niveau du mental, au niveau de l'intelligence. On doit répéter. Moi, souvent, je parle avec du monde, puis je le dis. Bon, là, je ne sais pas vous autres qui dites ça, là. On le sait tous, tu sais, je le dis pour la phrase. Mais je le dis pour nous autres, mais pas pour toi mais au niveau du mental. Et tu devrais cesser d'avoir peur. Tu devrais commencer à cesser de taillir comme tu le fais tout le temps. Oh, mais je le sais, ça. Je te le dis pas pour te l'apprendre. Je le dis pour le répéter. Personne ne devrait dire, c'est vrai que je devrais cesser de m'haïr. C'est vrai que je m'haïs encore. Et on le sait qu'on le sait. Et pour passer, à un moment donné, l'expression de la volonté, il faut qu'on se serve de savoir. Pas toujours aller chercher du 9, puis du 9, puis du 9, puis du 9, puis du 9, puis du 9. Il faut qu'on puisse compiler. Il faut qu'on puisse écraser après ça nos mémoires astrales. On va commencer à fonctionner tout seul. La conscience va être libre. Ça se fait tout en même temps, ça, là. Mais vous devez appliquer. Vous voulez vous presser le matin, là, hop, vous arrêtez. Là, on dépose le pied lentement. Puis là, tout votre ego complet vous pousse par en avant, là. Un pas, deux pas. Vous reprogrammez. Normalement, l'individu qui se fait une discipline, un petit calendrier, là, ça s'arrange pour qu'elle puisse le voir, le calendrier. Hein? C'est évident. Je vais vous dire comment je suis, moi. Moi, je suis très avancé. Mais j'ai des mémoires. Je travaille sur mon ordinateur. Quand on travaille sur un ordinateur et qu'on est créatif, on crée. Puis à un moment donné, là, ben là, tu te lèves à 6h du matin, en noir. Tu travailles sur ton ordinateur, puis quand tu arrêtes, c'est encore noir. Mais là, il est rendu 22h du soir. Là, t'as pas mangé. Ben, t'as pas fait grand-chose. Alors là, il faut absolument dire à l'ego, écoute mon grand, de temps en temps, faut t'arrêter. Mais quand lui, il est parti, puis ça, il y a plusieurs années vivre le même mot du problème. Pas sur un ordinateur, mais dans la créativité des choses. Là, on est parti, ça marche, ça va par là. La santé, ça se tient tout seul, ça va bien. On est parti, là. Je me suis mis une discipline. À toutes les heures, à toutes les demi-heures, à toutes les trois heures, j'arrête. Eh oui. Mais là, j'arrête souvent une heure après avoir pensé que je devais arrêter quatre heures après être passé tout droit. Il faut que ce soit évident. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas paresseux, je suis quelqu'un qui est intelligent. Alors, j'ai programmé mon ordinateur, j'ai truqué. Puis à chaque heure, tout ce que je fais disparaît. Il ne l'envoie pas dans les poubelles, là. Il met l'écran en avant, c'est écrit, as-tu pris ton repos? Avec un petit bouton, OK, il faut que je clique là-dessus. Là, dans les haut-parleurs, ça dit, Daniel, faut que tu prennes ton repos. Puis je me connais. Puis ça continue. Faut absolument que tu prennes un repos. Puis moi, je suis là des fois, oui, ça va là. Puis c'est à moi que je parle. C'est ma voix qui... Puis là, ben là, j'ai pas le choix. Là, ça fait une heure. Je le sais, ça fait une heure. Je l'ai vu, puis il me l'a dit. Ben là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben là, j'ai plus mes... Mal. M'amuse, moi, ça, c'est bien. Juste pour vous dire à quel point nos égos sont dangereux. Vous savez comment ils sont les vôtres. Vous devez vous arranger pour appliquer. Ce que vous dites, vous utopisez de la perfection que vous êtes. Mais exprimez ça le plus souvent possible. C'est ça l'exemple. Là, dites-vous pas, oui, mais regarde, mais je suis gros, je suis grosse, la perfection que je me verrais. Faut que je me verrais d'un corps. Ça va tout venir, c'est-à-dire, c'est secondaire. Vous avez déjà eu un corps qui avait de la lune, t'as rien fait de plus. C'est pas le corps qui est important. La génétique, oui, mais c'est pas la génétique qui est tenue de peu. Les neurones endocriniens. Okay. Un gros baquet et une grosse baquette. Fait tout ce que l'intelligence lui dit de faire quand ça fait la traverse. Et toutes les personnes qui sont à la hauteur de la mode vont toutes être jolies, plus gros puis de la grosse. Un gros, un jamais malade, un toujours relax. La réponse à tout. Ça fait de l'argent, mais c'est pas possible. J'ai oublié de brancher mon auto, j'ai juste mis une lumière allumée. C'est pas grave, c'est moins 25, c'est sur ton char, tu te bats ton moteur, tu t'en bois. C'est la grosse, là, pas ça, il part. La beauté, la lucidité, puis du papier, ça doit s'exprimer. On va y revenir souvent. Vous bottez les fesses pour appliquer ce que vous savez, c'est une chose. Appliquez les techniques PMC que vous savez, sinon arrangez-vous pour en connaître au moins quelques-unes. Moi, ça me dérange pas qu'une personne en rencontre un autre pour apprendre des trucs. Je m'en fous! La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a des stratégies qui sont extrêmement utiles. Ça devient ridicule dans la salle de ne pas les employer. Ce qui est intéressant surtout, c'est que chaque individu qui, à un moment donné, s'est enclenché dans les mécaniques PMC ne s'est jamais appauvri. Jamais. Ouais, mais si je ne l'aurais pas fait, je serais plus riche, je n'aurais pas plus d'argent. Il y a du monde, là, que je leur ai expliqué la même chose. J'avais investi dans l'investisseur. À un moment donné, ils voulaient retirer leur action si possible. Moi, je leur disais, on va te la racheter. Mais si on te la rachète, tu vas perdre ton argent. Si tu es à l'aise dedans, tu ne perdras pas ton argent. Et 100% de ceux qui l'ont repris en ont perdu des gros bouts, sinon la totalité. Mais quelques rares, nul ici, une des rares, a décidé de ne pas la retirer, son action, même si elle a un grand besoin d'argent. Elle a tout traversé au complet, ça l'a encore, son action. Alors que les autres, ben, ils l'ont retiré. Ils n'ont plus d'action, mais leur argent n'en plus non plus. Ça, on ne s'appauvrit pas à se conscientiser. Il semble que, parce qu'on additionne toujours, vous auriez dépensé ailleurs ou l'argent ne serait pas rentré. Faites-vous confiance. Pas tant que riche. Puis moi, j'en connais que c'est pire que ça encore, c'est que leur auto casse, tout permis, d'argent, il y en a besoin. Ils ont besoin de maudit. Ils arrêtent de la mettre là-dedans, les choses arrêtent de casser. C'est ça avant que leur ego finisse par accepter d'essayer. On fait vous faire tard, il va vous casser une affaire ou deux encore, vous pourrez être tard. Mandy, comment ça fonctionne? On met une autre son chantier. Ça s'applique. Gérer sa vie. Demandez, si vous demandez toujours au même absent, au même apport, quel pêcheur, il va toujours vous mettre les mêmes mots de verre. Essayez de mordre un moment donné. Ouais, j'ai faim maintenant là. Ouais, je sais, j'ai faim. Mordez plus au verre de terre. Hop, vous allez voir le petit pièce. Hop, un petit paquet, il va y avoir d'autres choses. Quand il va vous envoyer ce qu'il vous faut, là, là, vous pourrez aller mordre. Sans ça, ça ne sert à rien. La vie, elle va toujours vous obliger à vous diriger là où vous ne voulez pas aller. Mais vous n'avez pas le choix. Lâchez. Acceptez de souffrir un petit peu plus. Vous allez voir qu'ils vont commencer à me donner d'autres choses, la vie. Oh, parce que la vie, elle se nourrit bien gros de nous autres. C'est que si on mord plus, ils ne se nourrissent plus. Ils ne se nourrissent plus, que t'es pas fini, quittez-vous pas qu'ils vont commencer à essayer d'autres choses. Faut appliquer, appliquer, appliquer. Le minimum, appliquer quand même. Faut vous devez laisser ce qui chez vous est éliminé sans traverser et rester là. puis on n'en reparlera pas pendant des années. Mais la conscience, c'est important, la conscience, c'est ça de la conscience. La conscience, c'est pas juste du discours ou de la philosophie. C'est pas la théorie, c'est la pratique. Dans la tête, comme dans le corps, comme dans le gestuel, comme dans tout ça. C'est ça. Non. Pourquoi pas ça? Ben, 6 ou 7 ans, peut-être, j'ai traversé une période d'oubli total, dont personne ne s'est aperçu. Selon ma mère, j'ai été au lit malade 6 mois. Je me rappelle des choses depuis le moment où j'ai ouvert les yeux sur cette femme qui voulait que je l'appelle maman. Je ne savais ni lire ni écrire, pourtant, il y avait des cahiers. Que j'avais déjà su. Je me faisais disputer, est-ce que je suis la personne qui est née dans ce corps ou si elle s'en est allée et m'a laissé la place. Si oui, je suis qui ou quoi? Bon, pratique-toi à lire les autres. Non, probablement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses. Dans le cas de la personne ici, il y a eu, bon, est-ce que réellement l'ego de la personne ici est prêt à recevoir la réponse? Bien, si l'ego est frustré, ça ne veut pas dire qu'il est prêt, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt, ça veut dire qu'il est frustrable. Ça veut dire, ce temps, peut-être, bon, j'ai traversé une période de vie totale dont personne ne s'est aperçu, bon, il y a vu des choses, c'est pour ça que quelques personnes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il arrive rarement, mais de temps en temps, que les personnes se font... Au niveau de la réincarnation, elle est pluralitaire. Donc, c'est fortement probable. C'est pas fortement probable. Dans le cas de cette personne ici, ce qui est arrivé à un moment donné, c'est qu'il y a eu des soubresauts réincarnationnels vers cet âge-là. Et il y a eu une forme de pluralisation de personnalité, une forme de doublement de personnalité. Ce qui fait qu'il y a des engrammes mémoriels qui sont restés, mais il y a deux personnes qui ont vécu dans des temps, dans le même corps physique, vers ces âges-là, des phénomènes différents. Et les personnes ont, la personne qui a été expulsée pendant la présence de l'autre s'est retrouvée un peu dans la mémoire astrale, colorant avec ce qu'ils vivaient là, puis celle qui est rentrée là-dedans, elle ne connaissait pas ce qui se passait là. Ça fait au niveau de la conscience mémorielle, il y a un petit peu l'histoire qu'on a là ici. Si on finalise la question, bon, est-ce que je suis la personne qui est née dans ce corps? Oui. Mais il y a une autre qui est passée jouer un jeu, jouer un petit rôle pendant un bout de temps. Ici, elle s'en est allée et m'a laissé la place. C'est oui qui suis. Je suis quoi? C'est une question, ça, qui ne doit pas se poser. Pourquoi? Parce que c'est une question, c'est une aberration aléatoire des psychologies humaines. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une aberration aléatoire des psychologies. Vous connaissez plein de mots. Bon. Moi, je vous dis, il y a la couleur jaune. Alors, je vous dis, ici, le mur est jaune. À un moment donné, je vous montre une banane. Là, c'est une banane. La banane est jaune. Puis, la banane jaune est mûre. Puis, j'ai parlé des mots. Puis, une aberration aléatoire, ça va être lorsque vous allez dire, le mur est jaune, la banane est jaune, donc la banane est mûre. Dans les mots qui semblent logiques. La banane, elle peut être jaune, elle peut ne pas être mûre. Les aberrations aléatoires, c'est ce qui va faire en sorte qu'on pose des questions qui sont l'association d'un paquet de mots qui donnent quelque chose d'intéressant, mais qui ne peut pas, ce n'est pas intéressant, ça ne se pose pas comme question. Qui suis-je? Pourquoi? Parce que qui suis-je, c'est intéressant. Dans le sens humain du terme, ça va aller. Je suis un conférencier. Mais dans le sens absolu, ces mots-là, quand ils font ceci-là, ici, ils ne mènent nulle part. Ils ne peuvent pas amener l'humain quelque part. Qui suis-je? Vous êtes tout. Mais dans le continuum actuel, dans votre conscience actuelle, la conscience non-britique, je suis tout. On va avoir une idée personnalisée de la chose. Ça ne sert à rien de poser ces questions-là. C'est oui, je suis qui ou je suis quoi? Ça ne mène nulle part. Regardez le monsieur ici devant moi. Qui suis-je? Qui est-il? Ou qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ça ne fout vraiment rien. Et lui, d'ailleurs, ça peut faire créer de la fièvre dans son ego. Napoléon était génial. Vous pouvez aller marcher sur sa tombe tant que vous voulez qu'il ne fera rien. C'est un événement. Et trop jouer à l'intérieur de qui suis-je, pour la majorité des égos, ça serait créer des problèmes, des stress. Ces stress-là sont les stress qui amènent les crises existentielles. Ça ne sert à rien, les crises existentielles. C'est les crises qui amènent à la boisson, à l'alcool, au tout, des choses de même, à la dépression. Voyez, moi, je suis la réincarnation d'un paquet de bons phénomènes qui passent. Mais je ne me suis jamais galvaudé avec ça, parce que finalement, je réincarne le roi Richard. C'est intéressant, Richard de Plantagenet. Je réincarne le roi Richard. C'est intéressant. Et pour ça, je reviens mettre tout seul. Je le sache, que je ne le sache pas, ou que je le suis, que je ne sais pas, parce que je n'ai rien à faire. Je ne suis pas le roi Richard. Mais je réincarne. Les choses sont, devaient être simplifiées. Vous êtes plus haut, sans rien d'autre. C'est le credo du médiocre que de vouloir savoir qui il est. Sans propre personne, sans propre des égaux. Ça fait un mot du problème parce que l'être nouveau n'aura pas de frontières. La question qui suit, l'aberration, elle crée la dualité. La dualité de l'illusion. Je suis moi-même parce que je ne suis pas l'extérieur. Donc, je ne sortis jamais tout. Ah, je suis le cosmos. Ben, tu es le cosmos parce que tu n'es pas ce qui n'est pas le cosmos. Je suis le grand tout. Bravo. Il y a des dépressifs qui ne savent pas encore qu'ils disent ça. Les sur-énergisés spirituels. Ils sont le prana, ils sont le cosmos, ils sont... l'univers. Dans 2-3 ans, quand je les rencontrer, ils vont être les déprimés anonymes. Contentez-vous d'être ce que vous êtes, pas besoin de vous cacher ce que vous êtes. On va toujours mettre des mots du mot pour se faire plaisir. Il y a un temps, c'est à la mode d'être gros. Qui es-tu? Je suis un gros. C'est à la mode de changer. Un gros. Ça revient, là. Il y a un mode qui commence à grossir un peu. Oui, une question. Quand j'ai commencé le yoga en 70, j'étais en rêve. Aux prises avec les batailles de vaisseaux interplanétaires de style Klingon de Star Trek. C'était des êtres méchants qui, quand ils savaient que je les avais vus, ils voulaient me tuer. Souvent, je me disais, là, je ne rêve pas, je suis éveillé. Ce sont bien des vaisseaux interplanétaires. Puis ça a cessé. Au yoga, on me disait que je faisais beaucoup sur le homme et que c'était des batailles de moi dans mon inconscient. Tu dis toi, dis quoi et pourquoi cela a-t-il cessé? Parce que j'avais cessé de jouer avec votre rôle. Bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est réel. Les personnes ici, ce qu'ils vous disaient n'était pas faux. Maintenant, le combat avec vous-même, c'est vrai. Vous aviez accès à des informations akashiques. C'est très simple. Vous ne pouvez rien imaginer, rien inventer, rien innover si ce n'est pas déjà fait. Donc, on fouille de l'astral, on ramasse les couleurs qu'il y a là-dedans, les formes qu'il y a là-dedans, les bébites qu'il y a là-dedans, les événements qu'il y a là-dedans, les bruits qu'il y a là-dedans, les odeurs, les saveurs qu'il y a là-dedans. Et puis, on en fait des choses en fonction de nos structures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, effectivement, vivait des conflits à l'interne, puis en allant fouiller là-dedans, se branchait des égrégores pour exprimer ces conflits-là. Elle aurait pu aussi bien se brancher à Hannibal, puis se exprimer ses conflits dans les assauts d'Hannibal. Mais elle se branchait dans des mémoires, des attaques klingones contre la Fédération. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que M. Spock, ça existe, le vrai. Le gars qui a inventé ça, là, il l'a pas créé. Il a ramassé des particularités de différentes mécaniques qui sont déjà dans la gestion de l'astral, dans l'ère nouvelle comme dans l'ère ancienne, et il a amené ça pour en faire un personnage. Et nécessairement parce que l'humain, c'est son médiocre. Il n'a pas pu en faire un humain, il en a fait un extraterrestre, un vulcain. L'ancien dieu du feu. Une chasse solaire et peut-être, dirait les gars moustaches. Bon, c'est intéressant. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que l'humain n'invente rien. C'est la mécanique qui est peut-être du cosmos. C'est une coloration supramentale des mécaniques de l'avenir, ajustée à ce qui se passe aujourd'hui. Quels que soient les films ou les livres qui sont écrits, que ce soit Jules Verne avec ses trucs. Des folies. Prenons l'exemple de Jules Verne, c'est vraiment intéressant. Lui, il décide qu'on s'en va sur la Lune. Alors, il fait bâtir un immense canon, il met une balle de fusil là-dedans, ben, un boulet, une balle, et puis là, il y a des petites fenêtres. Là, il met des personnes là-dedans avec des chiens. Puis là, il place ça, lui, à Pasadena, en Californie. Là, il tire ça sur la Lune, boum, il envoie le boulet sur la Lune. Il n'a pas prévu qu'il n'a pas fait les gardiens, dans le fond. C'est comme, c'est malade. Dans les années à venir, probablement, les satellites vont tirer avec des canons. Beaucoup plus économique. Et Cap Canaveral est effectivement l'endroit approximatif où Jules Verne avait pensé qu'on devait envoyer les fusées. Son boulet de canon. C'est des colorations. Quelqu'un peut trouver aberrant ce qui compte. Mais si on fait attention un peu comme tout à l'heure, décris-moi le verre. Ce qu'il va me décrire, là, ça va avoir l'air une planche de bois. Les individus se servent des trames qui existent et des mots qu'ils connaissent pour arriver à être innovés. Évidemment, ils transforment les choses. La personne ici, elle vit des conflits intérieurs et mélangée avec des traces dans l'astral. Il y a une personne ici qui réincarne M. Spock. Oui, en réalité, c'est pas M. Spock qu'elle réincarne. C'est pas Léonard ni moi non plus. Ou Léonard ni lui, c'est pas lui. Bon. Elle réincarne les principes astraux qui ont permis l'invention du personnage. Et ces principes astraux-là existent autant que Charlemagne. La personne, elle a fait que tout le monde a raison. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits extraterrestres. Ça n'empêche pas qu'à l'époque où on a ramassé la vibration de Patrouille du Cosmos ou de la Fédération, ben, il n'y a pas de raison. Ça, c'est bien avant. C'est maintenant. Intéressant. L'importance du temps explique pourquoi c'est important. J'aurais pas le temps. Non, sérieusement. Pourquoi c'est important? Parce que là, je vibre le phénomène de la personne. C'est compliqué de répondre parce que mais je vais quand même répondre simplement comme si je ne vivais pas la personne. Et puis, pour récupérer les choses à l'intérieur. C'est compliqué. Parce que foncièrement parlant, si on fait appel à un ego qui est dans une structure, par exemple, mentale, court-circuitée, où il n'y aura rien de quand je parle d'important, on sera toujours utile, là. Où il n'y aura rien d'utile, donc il n'y aura rien d'important. Le temps, c'est exactement comme tu me dirais, tu me poses la question, là. À quoi ça sert d'évoluer, tu sais? À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert tout ça? Ouais. C'est difficile que je t'explique à quoi ça sert. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans une mécanique vibratoire pour comprendre de toute façon à quoi ça sert. Tu es dans une mécanique de plainte. Donc, la majorité des égos vont... À quoi l'importance du temps? C'est que tout ce qui crée l'espoir humain est supporté par l'illusion de ce que l'humain fait avec le temps. Mais toute la déprime humaine, de à quoi ça sert, tout ça est aussi supporté avec notre illusion, avec la vision fautive de ce que c'est que le temps. Puis l'importance d'arriver, l'importance en termes d'utilité toujours, et l'importance d'arriver à comprendre et à saisir ce que c'est que le temps. Parce que moi, je parle avec des mots temporels. Quand je dis, à un moment donné, courber le temps, on n'a rien à foutre de courber le temps. Bon, on vit dans 3000, etc. On n'a rien à foutre de vivre. C'est pas ça que je veux dire. Mais je m'adresse à des créatures du temps. Fait que l'individu qui s'est dans une mentalisation pour s'occuper au niveau du temps, ben oui, mais vivre dans 3000 ou à 25000 ou à n'importe quoi, elle coûte bien une fois. Vivre dehors de la création. On fait quoi tout ça? Tout ça n'est pas là. L'humain fait partie encore de... L'humain se sert encore des projections de ce qu'il connaît pour essayer de connaître ce qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas. Si tu as donné l'exemple à un moment donné, tu prends on prend une navette spatiale sur sa rampe de lancement. Il y en a du stock après ça. Puis là, vous voyez l'ombre de la navette spatiale à terre. C'est tout ce que vous pouvez voir. Puis là, vous arrivez à côté de moi et vous me dites, toi qui vois les trois dimensions, là, avec des couleurs, tout ça. Ben, le dessin qu'elle voit à terre, là, c'est quoi? Mais là, qu'est-ce que tu veux que j'ai dit de ce gars-là? Ça, c'est une navette spatiale. Oui, mais on dirait un édifice à bureau. Tu m'as déjà dit que c'est un édifice à bureau, la fin de même. Oui, mais ça a une grosse vitre noire qui finit carré. Mais c'est pas carré en réalité, c'est qu'il y a la pointe de la navette. On la voit pas à cause de l'angle du soleil. Tu m'as déjà dit que. Je peux pas lui expliquer. Siron. Oui, Siron, c'est quoi un vin? Prends le verre ici, fais juste regarder l'ombre, puis essaie de comprendre que c'est un contenant transparent avec de l'eau dedans. Tu pourras jamais. Mais l'humain, là, il est pogné comme ça avec ses phénomènes d'illusion. Ce qu'il conçoit dans sa tête, là, c'est uniquement, il peut voir l'humain à travers ses quatre structures de perception qui lui donnent un accès aux quatre dimensions, ça équivaut à l'ombre d'une navette spatiale au sol. Fait quand il dit, ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à aller dans l'espace. Mais l'espace, c'est quoi l'espace? T'sais, quand tu fais noir, la navette disparaît, c'est rien que ça qu'il y a. Le soleil n'est pas là. Ça te mène nulle part. Puis là, quand on essaie d'expliquer c'est quoi l'au-delà de l'existence humaine, c'est toutes les choses que l'humain ne peut pas comprendre. Alors l'humain va dire, ouais, mais c'est un peu comme si il y avait de l'ombre par-dessus de l'ombre, c'est ça que tu veux me dire. Non, une navette, c'est pas de l'ombre par-dessus de l'ombre. C'est pas ça, et on ne peut pas rien expliquer. Bon. Il y a des couleurs, et on peut vivre dedans, il y a des boutons, il y a des ordinateurs, c'est pas qu'à l'affaire, dans l'ombre, tu vois rien. Mais c'est exactement la même chose. Quand l'humain pose des questions, qui suis-je, ben, c'est la même chose. Lui, il regarde de l'ombre à terre, regarde son ombre à terre, puis il dit, à quoi ça devait ressembler? Puis après ça, là, il essaie de dire, et il tourne, il se trémousse un peu, puis il voit des mouvements d'ombre. Il dit, pour moi, je dois cartonner certains. Mais non, c'est l'ombre de son oreille qui fait une pointe, l'ombre de son tête. Il ne peut pas comprendre, il n'y a rien à faire. Puis là, le gros problème de l'illusion humaine, c'est ce qui arrive. Si l'humain n'est pas connecté un peu avec du neuf et de l'intelligence, il essaie toujours à partir du visuel de l'ombre de comprendre. Là, il crée des mécaniques, ça, c'est le langage du mensonge. Écris, ça, de l'ombre. Regarde l'ombre d'un arbre. Peux-tu me dire ce que c'est? Puis c'est des... moi, je te dis, tu vois la feuille qui est là, l'ombre là, qui est là, ça c'est un oiseau. Bien, entre l'ombre d'un oiseau et l'ombre d'une feuille d'érable, pas grande différence, hein? À travers le brouhaha des mouvements, c'est pareil. Bien, l'humain est là à travers tout ça complet, puis il me dit c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des questions. Bon, le temps, c'est exactement comme si typiquement tu aurais la capacité de dissoudre l'ombre au niveau de ta conscience, puis de subitement voir la navette. Mais là, tout ce que j'ai essayé de t'expliquer devient facilement. Clair. Mais l'humain va dire, ouais, mais la navette, elle m'arrange pas plus, parce qu'après la navette, c'est qu'il y a. OK? Et moi, c'est un parallèle. Entre l'humain qui ne peut percevoir qu'en fonction d'une stratégie bidimensionnelle, puis l'ombre achromique, ça va couleur. Puis tout ce qui existe en réalité, là, y a, c'est à peu près le même truc. Moi, quand je fouille au niveau de la conscience, quand je m'amuse un peu en haut, j'ai accès à voir une navette spatiale et un monde tridimensionnel chromique, coloré. Puis, comparativement à ce que l'humain voit, lui, tout ce qu'il voit, c'est un monde achromique, bidimensionnel, selon lui, noir. Fait que c'est évident que ce que j'ai accès par rapport à ce que l'humain a accès est totalement différent. Puis, c'est pas 3, 4, 30 plus, ça n'a rien à voir. Alors, à un moment donné, bon, le temps, pour moi, il existe autant que le verre d'eau ici. Tu vois, je peux tourner le temps, je peux regarder dedans, je peux me pousser, je peux faire le tour. Alors que l'humain, lui, ben, le temps, c'est quoi? C'est important, pourquoi? Parce que toutes les stratégies dualistes, donc qui vont t'amener à l'espoirisation autant qu'à la dépression, tout ce que l'humain entrevoit présentement est supporté par l'idée qu'il existe du temps. Nos pères, dans le passé, il y aura un apocalypse tout au complet. Je peux tirer tout le mensonge cosmique et uniquement basé sur le fait que l'humain n'est pas capable de comprendre dans sa conscience, puis sa conscience, présentement, elle provient de l'espace-temps, donc il y a un temps nécessaire au niveau de dépolarisation, c'est pas instantané, parce que c'est pas énergétique dans le sens supra-énergétique, dans le sens au-delà des mécaniques lumineux en descendant. Parce que l'humain est limité au niveau du temps, l'humain a des conceptualisations temporisées, complexes de tout ce qui existe, alors que tout ça complexe pas. La Terre n'est pas tridimensionnelle. Tu sais, quand tu lances une balle, tu redescends, tu lances la balle, la Terre décolle, tu vas te placer devant la balle vient rapetir. C'est aussi réel, là, du point de vue physique ou du point de vue astrophysique, que de parler de la gravitation. C'est identique. Puis si tu lances deux balles dans deux directions opposées, bien, la Terre, elle part en deux morceaux, en assassine, tu as deux Terres qui vont se placer chacun sur le bout là-bas, puis les individus continuent à vivre. Puis du point de vue du visuel de l'individu, ils voient chacun les roches monter, par descendre. C'est ça. Quand la Terre va aussi vite que la roche, t'as l'impression qu'elle bouge plus. Quand la Terre commence à dépasser la roche que c'est en avant, ben là, nécessairement, la roche dérive vers la Terre, t'as l'impression qu'elle revient. Mais c'est des illusions. C'est une mécanique de division uniquement parce qu'elle réside dans le temps. L'humain, là, ne peut faire le calcul que s'il additionne la variable temps. Toute la structure, toute la science, même la philosophie, la religion est bâtie sur, l'addition de la variable temps. Au début, au commencement, il y avait le chaos. C'est dans le désert, on a 40, le début du 40, tout au niveau du temps. Au niveau de la science, c'est la même chose, question de déplacement, le vecteur temps est important. E est égal à mc2, l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? C'est un facteur temps. Un déplacement, c'est une distance donnée dans un temps donné. Là, on aura ta vitesse. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de la lumière? C'est 299 792,5 km/s. Temps. Et là, on peut s'en servir pour connaître l'énergie de temps. C'est pour ça que c'est important, le fait de la mécanique du temps, on va en parler souvent, mais je sais très bien que j'en parle uniquement pour créer des sphères énergétiques, pour placer des choses énergétiques. Je m'attends pas à ce que l'humain, allez qu'on comprenne, je m'attends pas à ce que l'humain comprenne subitement ce que c'est que le temps. Tu vas le comprendre quand ce sera le temps. Qui était Sainte Véronique? Quel était son rôle? Est-elle partie avec le groupe après la mort du Nazaréen? Premièrement, ce nom-là n'existait pas à l'époque. Un nom araméen. Récupéré par la suite. La personne ne pose pas la bonne question. Le mois prochain, là, j'aurais dit, quand elle la posera comme du monde, j'y répondrai. Ça me tente bien gros d'avancer d'un mois. Je vais vous expliquer, comment. Bon, elle est restée avec le groupe un bout de temps et elle est partie. Elle a rejoint quelques personnes du groupe après, puis il y en a quelqu'un qui s'est fait divulguer. La question n'est pas là. La question qu'on doit poser, et vous allez devoir en conférence du mois, pas les conférences régulières, apprenez-vous aussi à vous ajuster. C'est bon. Énergétiquement, c'est de la gestion de l'astral, s'ajuster. Là, ça serait, par exemple, je donne un exemple de question, et foncièrement parlant, la personne, il serait question, là, j'ai répondu. Mais elle devrait être recevable uniquement dans le genre. Je crois avoir été Sainte Véronique. C'est un exemple. Mm-hmm. OK? Quel aurait pu être mon rôle? Mm-hmm. Là, c'est une question qui est recevable. Ou je crois que machin chouette là-bas, là, je ne pas connaître Sainte Véronique. Elle a encore son gros bouton. Qui aurais-je pu être pour la connaître? Puis là, on répond uniquement. Moi, j'aurais répondu à la question, non pas en fonction de l'état historique des choses, pas important de savoir qui c'était. Mais par contre, ce qui est intéressant au niveau énergétique, c'est d'être capable de parler à ton ego de choses que, dans la tradition, l'ego rejette. Ça, c'est formateur. Tu étais un chevalier de la table ronde. Bon. C'est important que tu saches ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse en jaser jusqu'à temps que l'ego ne résiste plus à la mécanique. Que je l'ai été, que je ne l'ai pas été, c'est pas grave. Ça se peut que je l'ai été. Puis quand on se met à en parler, il n'y a plus de pas de résistance d'ego. Autrement dit, tu peux être plus ce que tu es. On est des êtres réincarnationnels. Mais par contre, la majorité d'entre vous, vous allez refuser obstinément de le dire à quelqu'un que vous êtes un être réincarnationnel. Hein? Croyez-vous la réincarnation, demande le patron avant de vous engager. Qu'est-ce qu'on dit quand on est nous? Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé de changer le monde. J'ai dit non. Vous êtes nous? C'est sûr que moi, on me les gage à mon envergure. Et la prochaine fois, je me suis dit, ah, Christy, je vais dire la vérité. Enfin, c'est le risque. Les gens sont prêts. Ici, mais au niveau des questions, là, on les en ligne. C'est vos questions que je vous pose. On bien les On va ralentir la musique. Pourquoi vient-on du futur pour venir se chercher? Quand? Ouais, ça, c'est une question. Là, on va en reparler aussi. On vient du futur, on y est déjà. Tous les paradoxes. C'est ça, mais encore une fois, ça, je vais en reparler souvent en conférence, mais ce futur-là n'existera pas si l'humanité actuelle, celle que le corps physique, ne l'engendre pas. Pour l'engendrer, on doit bifurquer vers l'avenir positif. Sinon, on doit prendre des individus corrects puis les amener ailleurs dans le temps pour qu'ils l'engendrent. D'où l'importance de revenir d'un futur qui existe pour pouvoir le concrétiser puis le confirmer. Bon, de toute façon, en sorte. Un autre. Mais Kerman ne peut pas être émotivo-physique. Sinon, ce n'est que réincarnation du passé. S'il n'est pas émotif, il n'est pas écœurant. Quelle est donc la saveur de l'écœurement? Peux-tu le décrire de façon plus simple? L'écœurement est émotif et physique. On va revenir un peu sur l'écœurement quand même. L'écœurement est émotif et physique, mais il doit être régi par le mental. Donc la personne, elle jase tout ça là-dedans. L'écœurement est émotif et physique. On ne doit pas le laisser là. On va le régir mentalement à un moment donné, vous en servez comme un feu. On va pouvoir revenir aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une épée, hein? C'est un escalibur. Mais, oui, c'est... En tout cas, j'aurais des questions pour le film.